Section 4. Chapitre 1. Deuxième partie. Les nobles et le haut clergé. Suite. Par Charles Seignobos. Les devoirs féodaux. Le fief n'était pas donné à titre gratuit. Il imposait au vassal des devoirs envers le seigneur. Ses obligations reposaient sur une même conception générale, formulée partout et toujours dans les mêmes termes. Les applications seules ont varié. Avant tout, le vassal doit la foi et l'hommage, l'acte formel par lequel il s'avoue l'homme du seigneur et lui jure fidélité. Il le doit en prenant possession du fief. Il le doit aussi chaque fois que le seigneur est remplacé par un autre. C'est ce qu'on appelle relever le fief. S'il refuse la cérémonie, il désavoue le seigneur et par là perd son droit au fief, ce qu'on appelle forfaire. Il doit déclarer au seigneur pour quel fief il devient son homme. C'est l'aveu de fief. Si le fief se compose de plusieurs objets, il doit les énumérer tous. S'il y a doute sur la contenance du fief, il doit au seigneur la montrer ou vue, qui est une descente sur les lieux. Si de mauvaise foi il dissimule une partie du fief, il est déchu de son droit. Ces formalités orales furent remplacées surtout après le XIIIe siècle par une énumération écrite appelée aveu et dénombrement de fief. En relevant le fief, le vassal accepte les obligations négatives d'un usufruitier envers le nu propriétaire. Il s'engage, souvent par une formule expresse, à maintenir et garantir le fief. Le maintenir, c'est-à-dire ne pas lui laisser perdre sa valeur, ne pas changer sa condition, ne pas en distraire une partie, ce qu'on appelle abréger. Le garantir, c'est-à-dire être toujours prêt à reconnaître le droit du nu propriétaire et à le défendre contre les tiers. En jurant fidélité, le vassal s'engage à ne pas faire tort au seigneur, à n'attaquer ni sa personne, ni ses biens, ni son honneur, ni sa famille. On trouve souvent des actes d'hommage où le vassal jure de respecter la vie et les membres du seigneur. Ces obligations négatives paraissent être réciproques. Le sire, dit Beaumanoir, doit autant foi et loyauté à son homme comme l'homme à son seigneur. Le seigneur et le vassal se doivent affection mutuelle. Chacun d'eux s'interdit tout acte hostile envers l'autre. Le seigneur ne doit donc ni attaquer ou insulter son vassal, ni séduire sa femme ou sa fille. S'il le fait, le vassal peut se délier de son seigneur tout en conservant le fief. Cette rupture se marque par un acte qui est le contraire de l'investiture. Le vassal jette le fétu ou le gant. C'est le défi, rupture de foi. Les devoirs positifs du vassal sont tantôt formulés d'un seul mot, service, tantôt analysés en une formule qui apparaît dès le Xe siècle, aide et conseil, auxilium et concilium. L'aide est avant tout militaire. Le vassal est le soldat du seigneur. Il doit l'aider dans ses guerres. C'est pour cela même qu'il a reçu son fief. Certaines formules de serment d'hommage le disent encore expressément. Le vassal jure de servir le seigneur contre tous les hommes et femmes qui peuvent vivre ou mourir. Cette obligation, illimitée sans doute à l'origine, elle apparaît encore ainsi dans les chansons de gestes, s'est précisée en se limitant, et on en est venu à distinguer plusieurs services. L'ost et chevauché, c'est l'obligation d'accompagner le seigneur, soit dans ses expéditions, ost, soit dans ses courses en pays ennemi, chevauché. Ce service, surtout au XIIIe siècle, est réduit en étendue et en durée. Le vassal ne suit le seigneur, du moins à ses frais, que dans les limites d'une région souvent très petite. Il ne le sert que jusqu'au terme fixé par la coutume, d'ordinaire 40 jours. L'estage, c'est l'obligation de tenir garnison dans le château du seigneur, tantôt seul, tantôt avec sa famille. Le vassal est soumis à l'obligation de mettre son propre château à la disposition du seigneur quand celui-ci le demande. C'est ce qu'on appelle un château jurable et rendable. Et souvent, il est stipulé dans les actes, surtout au XIIIe siècle, que le vassal doit le rendre au seigneur, apaisé ou en colère, à grande ou à petite force. Le seigneur peut mettre garnison dans le château. Il doit le rendre dans l'état où il l'a reçu, sans y prendre rien autre chose que la paille et le foin. L'aide, est aussi, bien qu'accessoirement, une subvention en nature ou en argent due par le vassal dans des cas fixés. D'ordinaire, le vassal, en recevant l'investiture, fait un cadeau réglé par la coutume. C'est souvent un objet qui symbolise la vassalité, une lance, un éperon d'or ou d'argent, une paire de gants. En Orléanais, c'est un cheval de guerre, le roncin de service. En Guyenne, une somme d'argent, l'esporle. D'ordinaire, à chaque changement de seigneur, et parfois à chaque changement de vassal, il est dû au seigneur une indemnité, le relief ou rachat, très lourde dans le nord de la France, une année de revenus, plus lourde encore quand le nouveau vassal n'est qu'un héritier collatéral de l'ancien. De même, si le vassal vend son fief, l'acquéreur doit faire approuver, louer, le transfert par le seigneur et lui payer un droit de vente, le quinte, qui s'élève parfois à 3 années de revenus. Le seigneur a le droit de faire contribuer ses vassaux à quelques-unes de ses dépenses exceptionnelles. C'est l'aide, appelée dans certains pays aide aux 4 cas. Ces cas varient d'un pays à l'autre. Il y en a même plus ou moins de 4. Les plus habituels sont la rançon du seigneur s'il est fait prisonnier, son départ pour la croisade, le mariage de sa fille, la chevalerie de son fils. L'aide est due par les vassaux nobles, mais ils ne la paient pas de leur denier, ils la prélèvent sur les tenanciers de leur domaine. Le seigneur a le droit de se faire héberger avec son escorte ou son équipage de chasse par le vassal. C'est le droit de gîte, dans le midi, albergement, souvent remplacé par une indemnité. Ce devoir est strictement défini au XIIIe siècle. Ainsi, en Guyenne, le possesseur de sommières doit servir à son seigneur, le duc d'Aquitaine, quand il vient, un repas pour lui et 10 chevaliers, composés de viande de porc et de vache, de choux, de poulet rôti et de moutarde. Il doit lui-même servir le duc en chausses d'écarlate rouge avec des éperons d'or. Un autre vassal doit recevoir 6 des chasseurs qui accompagnent le duc, leur donner du pain, du vin, de la viande et les conduire le lendemain dans la forêt. Le conseil oblige le vassal à aller auprès du seigneur l'aider de ses conseils dans les affaires embarrassantes. On l'appelle aussi service de cour. Le seigneur convoque à la fois tous ses vassaux et les réunit à sa cour. L'obligation de prendre part à ces réunions est souvent limitée à 3 assemblées tenues d'ordinaire aux grandes fêtes, Pâques, Pentecôte, Noël. Cette assemblée forme une assistance d'honneur pour les fêtes données par le seigneur à l'occasion de son mariage, de celui de ses enfants, de l'entrée en chevalerie de ses fils. Elle satisfait sa vanité en rehaussant l'éclat de la cérémonie. Elle sert de conseil politique dans les affaires graves qui intéressent la seigneurie, la guerre, la paix, les changements de coutume. Elle sert de tribunal, plaide, pour régler les différends entre les vassaux du seigneur. Le seigneur convoque et préside la cour de plaide qui prononce la sentence. Juger dans les cours de vassaux est non un droit, mais une charge, qui ne rapporte rien et peut engager le jugeur dans un duel contre le perdant. Aussi est-ce une obligation stricte. Ni le vassal ne peut refuser de siéger, ni le seigneur ne peut refuser de convoquer la cour. Ce serait un défaut de droit, déni de justice, qui délierait le vassal de son serment de fidélité. Les femmes et les enfants dans le régime féodal. Il semblait qu'il n'y avait place dans la féodalité ni pour les femmes ni pour les enfants, car l'engagement de vassalage ne pouvait lier que des guerriers, mais la force de la propriété et de l'héritage l'emporta sur la logique. Le seigneur était plus encore un propriétaire qu'un chef de bande. Or, un enfant ou une femme pouvait hériter d'un grand domaine distribué en fief à des vassaux, et ces vassaux devenaient ainsi les hommes du nouveau propriétaire. Le mineur, ne pouvant exercer son droit lui-même, le plus proche parent du côté paternel prenait le bail, c'est-à-dire la possession du domaine. Il jouissait des revenus et tenait la place du seigneur. Il en portait même le titre. Il était aussi à l'origine chargé de la garde du mineur et de son éducation. Mais comme le baillistre devait hériter de l'enfant, pour lui ôter la tentation d'aider l'héritage à s'ouvrir, l'usage s'établit de donner la garde du mineur au plus proche parent par les femmes, lequel n'avait aucun intérêt à sa mort. En arrivant à sa majorité, de 14 à 21 ans suivant les pays, le jeune homme se faisait armer chevalier et recevait alors l'hommage des vassaux. La fille héritière d'une seigneurie, si elle était majeure, exerçait les droits du seigneur attachés à la possession du domaine. Les vassaux lui devaient l'hommage et le service. Il y a des exemples de femmes qui ont en personne gouverné leur seigneurie, présidé leur cour féodale et même combattu. La langue féodale n'avait pas de terme pour désigner la femme seigneur. On l'appelait d'un nom latin dame, domina, maîtresse. En espagnol, doña. Les enfants et les femmes étaient entrés dans la féodalité comme héritiers des seigneurs. Ils y entrèrent aussi comme héritiers des vassaux. Quand un vassal mourait laissant des fils mineurs, le seigneur avait eu d'abord le droit de reprendre le fief pour le donner à un homme capable de faire le service. Mais dès le XIe siècle, il se bornait à reprendre le fief avec la garde de l'enfant jusqu'à la fin de la minorité. C'était le bail seigneurial, qui fut remplacé plus tard par le bail des parents du mineur. Devenu majeur, le jeune homme entrait en possession du fief. Le droit des filles eut plus de peine à s'établir. Une femme ne pouvait s'acquitter des services du fief. Aussi y eut-il des pays où les fiefs ne se transmettaient pas aux filles. Ils passaient aux fils, même moins âgés, ou aux parents plus éloignés. Mais l'habitude de traiter les filles en héritières était si forte, surtout dans le Midi, qu'elle finit au XIe et XIIe siècle par s'imposer même aux fiefs. Les femmes les reçurent en héritage, même en dot. Elles devinrent vassales comme elles pouvaient devenir seigneurs. De l'exclusion primitive, il ne resta qu'un privilège en faveur des héritiers mâles collatéraux. Pour le service du fief, la femme devait un remplaçant. Elle n'avait pas le droit de se marier sans le consentement du seigneur, et dans certains pays, en Espagne, à Jérusalem, le seigneur présentait à l'héritière du fief deux ou trois chevaliers entre lesquels elle devait choisir son mari. Le clergé dans le régime féodal. Le clergé gardait son organisation ancienne, fondée sur la hiérarchie des dignités et l'obéissance absolue des inférieurs aux supérieurs. Même aux époques de la plus grande confusion, au temps où l'esprit du siècle avait le plus profondément pénétré le clergé, jamais l'Église n'adopta dans son organisation un principe féodal. Jamais un inférieur ne fit l'hommage à un supérieur ou ne reçut sa fonction en fief. Les clercs, comme les femmes, devaient rester étrangers à la féodalité, puisque la loi religieuse leur interdisait de porter les armes. Et cependant, comme les femmes, le clergé entra dans le régime féodal, le haut clergé du moins, car les prêtres de paroisse, serviteurs de leur évêque ou du patron de leur église, les moines subordonnés de leur abbé, restèrent dans une sujétion étroite et sans contrôle, semblable à la dépendance des tenanciers vis-à-vis du seigneur. Le haut clergé possédait de grands domaines, provenant de donations accumulées pendant des siècles, car, dans tous les pays chrétiens, les propriétaires laïcs cherchaient à se concilier, pour qu'il intercédât dans le ciel en leur faveur, le saint, patron d'une église ou d'une abbaye. Il donnait donc, et surtout il léguait, au saint ou à son église, pour le rachat de leurs péchés ou, pour le salut de leur âme, une partie de leur propriété terrestre. Souvent quelques pièces de terre, parfois des villages entiers. Il n'y avait pas un évêché, une abbaye, un chapitre de chanoines ou une collégiale qui ne fût ainsi devenu grand propriétaire. L'évêque, l'abbé, les chanoines, grâce aux revenus de ces domaines, se trouvaient dans la situation de riches seigneurs. Il leur fallait, comme aux seigneurs laïcs, une escorte de gens de guerre pour se défendre et se faire honneur. Ils distribuèrent une partie du domaine de l'Église en fief et se firent des vassaux qui leur devaient l'hommage et le service. Les prélats eux-mêmes, évêques et abbés, depuis Charlemagne, étant assimilés aux hauts fonctionnaires, devaient l'hommage au roi et étaient obligés de conduire leurs hommes à l'armée. Cet usage se conserva dans le nord du royaume de France et se consolida si fortement dans le royaume d'Allemagne que les prélats en vinrent à considérer leur dignité ecclésiastique elle-même comme un fief qu'ils tenaient du roi. Le roi les en investissait en leur remettant un étendard comme aux laïcs. Les prélats formèrent ainsi une classe supérieure qui se fondit avec la haute noblesse féodale. Dans tous les pays chrétiens, le clergé, étant célibataire, ne pouvait se recruter par hérédité. Or, on ne choisissait guère pour évêque ou pour abbé qu'un clerc de naissance noble. Les dignités ecclésiastiques servaient ainsi à pourvoir les cadets de grandes familles. Beaucoup apportaient dans les ordres leurs habitudes d'enfance. Ils restaient chasseurs, buveurs et guerriers, comme cet archevêque de Mayence qui, pour éviter de verser le sang, combattait avec une massue. En général, tout ce que le clergé put obtenir de ses fils de guerriers, ce fut de les empêcher de s'armer en chevaliers. Les couvents avaient besoin de se défendre contre les chevaliers de leur voisinage, qui ne se laissaient pas toujours intimider par l'excommunication. Beaucoup s'entendirent avec un seigneur qui se chargeait de les défendre, moyennant des redevances à lever sur leurs tenanciers. On l'appelait le gardien ou l'avoué, advocatus, en allemand, voigt. L'institution remonte aux Carolingiens. D'ordinaire, l'avoué pressurait le domaine au lieu de le défendre. Les actes du couvent sont remplis de plaintes contre les avoués. Les évêchés avaient parfois un défenseur laïque de cette sorte, le vidame, vice-seigneur. Les ministériales. Les seigneurs les plus riches, les rois, les princes, les prélats, entretenaient auprès d'eux une troupe de domestiques armés. On les appelait en latin « ministeriales », serviteurs. « Ministerium » signifiait « service, fonction ». En allemand, « Dienstmannen », homme de service. Mais la domesticité d'un grand seigneur était une occupation honorable, qui faisait de ses domestiques une classe intermédiaire entre les nobles et le peuple. Et la maison d'un grand seigneur formait une petite société complète où les services ressemblaient fort à des fonctions publiques. Les ministériales remplissaient les offices domestiques. Ils dirigeaient les services entre lesquels se partageait la maison. Il y en avait toujours au moins quatre dans une cour. La table dirigée par le dapifer, sénéchal, truxes. La cave dirigée par le budicalarius, bouteiller, schenk. L'écurie et le fourrage par le comes tabuli, connétable, marschalk. La chambre, vêtements et provisions, confiée au camerarius, chambrier, camerer. On trouve dans les cours les plus riches d'autres grands officiers, le grand veneur, le forestier, le maître des cuisines. En outre, les artisans du seigneur, tailleurs, cordonniers, armuriers, boulangers, etc., étaient groupés d'après leur genre de travail en ministeria, métier, et chaque métier avait pour chef un ministerialis. Les ministériales faisaient en même temps office de chevalier. Ils escortaient leur maître, l'accompagnaient en guerre, gardaient ses châteaux. L'institution végéta en France, où les ministériales se confondirent bientôt avec les vassaux. En Allemagne, au contraire, jusqu'à la fin du XIIIe siècle, les Dienstmannen formèrent une classe importante qui fit la force du roi et des prélats. Les Dienstmannen conservaient la marque de leur origine. Leurs ancêtres avaient été pris parmi les serfs du maître. Même devenus chevaliers, ils restaient serfs. On les appelait un Freiritter, chevalier non libre. Et dans les actes, ils signaient après les hommes libres. Ils ne pouvaient ni acquérir, ni vendre, ni léguer, ni se marier sans le consentement de leur maître. Ils étaient sujets à des droits de main morte comme des serfs. Les Dienstmannen d'un même maître formaient une société fermée. Ils portaient des vêtements de même couleur, la couleur du maître, ils se mariaient entre eux, ils ne devaient pas se battre l'un contre l'autre, ils devaient faire juger toutes leurs querelles par le tribunal domestique du maître, formé de leurs compagnons, jugeant suivant les usages particuliers de la cour du maître, Hofrecht, car ils n'avaient pas le droit de se présenter au tribunal des hommes libres, où l'on jugeait suivant la loi du pays, Landrecht. Leurs conditions étaient devenues héréditaires. Le maître ne pouvait plus replonger leurs enfants dans la servitude. Il devait les garder à sa cour, leur donner un office ou les entretenir. Peu à peu, le seigneur retira les offices à ses Dienstmannen, qui devinrent exclusivement des chevaliers. Il s'habitua à donner à chacun un bénéfice, c'est-à-dire l'usufruit d'un domaine. Et vers la fin du XIIIe siècle, les bénéfices se confondirent avec des fiefs et les Dienstmannen devinrent semblables aux vassaux. Ceux du roi prirent même le titre de Freiherr, libre seigneur, qu'on traduisait par baron. Mais jusque-là, les Dienstmannen, groupés autour des princes, avait réalisé dans les cours d'Allemagne une société chevaleresque habituée à se conformer à des règles minutieuses de savoir-vivre. C'est ce qu'on appela les mœurs de cour, courtoisie, hoffische Sitte. Le trait le plus original de ces mœurs est le respect pour les dames, les femmes des seigneurs, qui ressemblent fort au respect du domestique pour la maîtresse, car il ne s'étend pas aux simples femmes des Dienstmannen. Il s'adresse au rang, non au sexe. Complication des relations féodales. Les relations primitives entre chevaliers reposaient sur la foi, le dévouement réciproque du seigneur et de ses hommes. Elles ne pouvaient subsister que dans une société rudimentaire, formée de bandes isolées, les unes des autres, composées chacune d'un seigneur et de ses vassaux. Il fallait que chacun fût dévoué personnellement à son seigneur et vassal de lui seul. L'essentiel était le vassalage. Ce régime fut brouillé par la création des fiefs héréditaires. Le dévouement fit place à un contrat. Le vassal, devenu, grâce au fief, matériellement indépendant du seigneur, se détacha de lui et se mit à considérer le fief comme l'essentiel, le vassalage comme une charge accessoire du fief, charge onéreuse qu'il travailla à diminuer en remplaçant la fidélité générale par des services spéciaux. Le fief, devenu héréditaire, passa à des étrangers indifférents au seigneur et qui ne devenaient ses vassaux que pour conserver le fief. Il arriva alors qu'un même noble fut vassal à la fois de plusieurs seigneurs. Il ne pouvait les servir tous, surtout s'ils se faisaient la guerre entre eux. Il fallut donc introduire des réserves. En reprenant son fief, le vassal réservait ses devoirs envers ses seigneurs antérieurs. Il jurait de servir le nouveau seigneur, sauf la fidélité due à N et N, ou de le servir contre tous, excepté N et N. Au lieu du dévouement absolu, il n'y eut que des dévouements conditionnels. On en vint, au XIIe siècle, à distinguer l'hommage lige, qui obligeait le vassal à servir sans limite, de l'hommage plein, que le vassal prêtait debout et armé, et qui ne l'engageait qu'à un service limité. Le fief perdit bientôt son caractère de récompense donnée à un fidèle pour lui servir d'établissement. On donna en fief non seulement des terres, ou des fonctions, comme au ministérial, mais toutes sortes de droits lucratifs. Redevances, droits de banalité, de justice, de marché, de dîmes, etc. Jusqu'au droit de prendre les essaims d'abeilles trouvés dans les bois. On en vint à donner même une pension en argent. On partagea tous ces objets et ces droits en portions. On donna en fief la moitié d'un domaine, une salle dans un château, une portion d'un mur d'enceinte, le quart de la justice. L'hommage, n'étant plus un engagement absolu de dévouement, mais un simple contrat, devint un procédé habituel pour établir un lien entre deux nobles. Un seigneur alaudier se faisait le vassal d'un autre seigneur. Il lui cédait son domaine par une fiction. L'autre, devenu propriétaire légal, lui rendait ce même domaine en fief et recevait l'homme comme vassal. Cela s'appelait « reprendre un alleud en fief ». La pratique n'était pas nouvelle, mais, en se généralisant, elle établit entre les seigneurs une gradation de dépendance nominale. En sens inverse, le vassal donnait une portion de son fief en fief à d'autres nobles, le frère aîné à ses frères cadets. Ainsi se formaient les arrière-vassaux, qui à leur tour pouvaient avoir des vassaux. En droit strict, le consentement du seigneur était nécessaire pour ses sous-inféodations, car elle diminuait la valeur de son fief. Les anciens fonctionnaires carolingiens, ducs, comtes, eux-mêmes vassaux du roi à cause de leurs fonctions transformées en fief, se rattachèrent comme vassaux les principaux seigneurs de leur province, et ainsi se créa un réseau très compliqué de liens féodaux allant depuis le roi jusqu'aux écuyers possesseurs d'un petit fief. Cette complication est sans doute presque aussi ancienne que le régime féodal, car on trouve déjà la superposition des fiefs et la réserve de la fidélité dans le document détaillé le plus ancien où apparaissent le mot de fief, un acte de 954 en latin barbare mêlé de mots catalans. « Moi, Raymond, vicomte de Cerdagne, je concède à vous, Pierre Raymond, vicomte d'Urgel, et sa femme Sibylle, le château de Saint-Martin. » et je vous donne Hermangot avec le fief qu'il tient du château de Saint-Martin et avec ses chevaliers. De même, je vous accorde les châteaux de Miral et Chéralt, et je vous donne Béranger des Haragal avec le fief qu'il tient de la vicomté et ses chevaliers. Et pour ce don, moi, Pierre Raymond, et ma femme Sibylle, je reconnais que nous sommes vôtres, solidement contre tous hommes et femmes, excepté le comte d'Urgel, que nous t'aiderons de notre domaine, avec notre conseil à tenir, garantir et défendre contre tous hommes et femmes, parfois droite sans fraude. C'est ce réseau de liens féodaux qu'on a appelé la hiérarchie féodale. Le nom est impropre, il supposerait une série de fiefs et de vassaux occupant tout le territoire et régulièrement superposés en étages, chacun supérieur à l'autre, comme dans une hiérarchie de fonctionnaires. C'est le régime que semblent décrire les auteurs des Assises de Jérusalem. Peut-être a-t-il existé réellement dans le royaume de Jérusalem, où les chevaliers, venus en conquérant, ont pu créer une organisation régulière fondée sur un principe général. Rien de pareil ne se trouve en aucun pays d'Europe, pas même en Angleterre, où le roi a fait de tous les chevaliers ses vassaux directs. En Allemagne, où l'on a senti le besoin de classer les chevaliers qui accompagnaient le roi dans les expéditions d'Italie, on a essayé de ranger les nobles en catégories qu'on appelle des boucliers. Dans le premier est le roi tout seul, dans le deuxième les princes d'église vassaux du roi, dans le troisième les princes laïcs rejetés au troisième rang parce qu'ils tiennent des fiefs des princes d'église, dans le quatrième les barons et même les comtes quand ils sont vassaux d'un prince laïc, dans le cinquième les chevaliers libres vassaux d'un baron, dans le sixième et dernier les Dienstmannen. Chaque rang est nettement séparé. Nul ne peut être à la fois dans deux boucliers. Le noble, qui devient vassal de son égal, passe au rang inférieur. Un prince, en devenant vassal d'un autre, descend au rang de baron. Il semble qu'en Allemagne, l'hommage eût mieux conservé sa portée primitive. En France, les nobles ne connaissaient pas cette hiérarchie. Le lien féodal y avait cessé d'établir une relation de supériorité du seigneur au vassal. Dès le XIe siècle, le comte d'Anjou, ayant vaincu le comte de Blois, le dépouillait de son comté de Touraine et se le faisait donner en fief par son prisonnier dont il devenait le vassal. En France, chacun pouvait être à la fois seigneur et vassal. Le lien féodal n'unissait plus que des terres. Fin de la section 4.